brisé par mes fans. Malgré tout, j'ai gardé mon âme d'enfant. Ces gestes pervers, je te les défends. Arrête, arrête. Ne me touche pas. Je suis une idole et tu n'es qu'une enfant. Un ange, l'idole n'a pas d'aile. Je trépigne quand mes fans font du zèle. Je n'ai pas de pitié pour mes éléphants. Et parfois je sens un de mes jolis fans. Arrête, arrête. Ne me touche pas. Je suis une idole et tu n'es qu'une enfant. Je ne suis pas le premier dans ce genre d'idole. Y'a un nom Don Juan qu'en a fait de drôle. Paraît même qu'il la défend au Carmel et qui s'en dégoûte comme des flancs nature. Arrête, arrête. Ne me touche pas. Je suis une idole et tu n'es qu'une enfant. N'oublie pas Adèle, ton père il est maire. Et Lady l'a dit de l'idylle de l'idole. L'Adèle, l'adule, c'est pas l'idéal. C'est une boutade qui a un goût amer. Arrête, arrête. Ne me touche pas. Je suis une idole et tu n'es qu'une enfant. Allez, oublie-moi, je ne suis pas dans le besoin. J'ai 100 000 fans, je m'appelle Chichoule. Sèche donc tes larmes, on dit haut et un. Ne sois pas jalouse, défends de Chichoule. Arrête, arrête. Ne me touche pas. Je suis une idole et tu n'es qu'une enfant. Je suis une idole et tu n'es qu'une enfant.